Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Et bonsoir et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et on se fait un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir pendant 3 heures. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, ben nos numéros 1 étaient du côté francophone Éléphantine avec Une clope, un café. Et en anglo, c'était Steve Hill and the Majestic, c'est Lost Woman. Est-ce que ça tient? Il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h pour le savoir. On a quelques nouvelles entrées cette semaine. Du côté anglophone, on trouve LACP Isaac avec Butterfly, Marcy Playground avec Blackbird et Oromocto Diamond avec The Last Diamond in the Cave. Mais on commence du côté francophone avec Chinatown. Tout de suite, voici Penelope. Vous êtes au 89.1 FM et ben c'est pas mal, c'est fou. Je dis ça comme ça, mais tu sais. Hein? Mon amour, une longue vie. Pour nous mon amour, plus jamais d'ennui. Plus jamais d'ennui. Plus jamais d'ennui. Car pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Et nous deviendrons riches. Pour toi mon amour, je laisse tout tomber. Pour nous mon amour, j'ai pris deux billets. Pour Buenos Aires pour Buenos Aires. Car pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Et nous deviendrons riches. Aromato Diamond et The Last Diamond in the Cave. C'est une nouvelle entrée du côté anglophone en 20e place. Et leur album Le Choc du Futur. Avant ça, on a entendu une nouvelle entrée de Chinatown, Penelope. Leur album Cité d'Or et Chinatown, des vétérans des palmarès depuis très longtemps. Ça n'arrête pas. Vous savez qu'il y a une pièce qui s'en va, il y a une autre qui arrive. Ça? Hein? Qui va à la place ou qui ferme une fenêtre, ouvre une porte. Quelque chose du genre. On est rendu au 19e place. Elles sont nouvelles, elles aussi. Du côté anglophone, on retrouve Marcy Playground et Blackbird. Mais avant ça, voici notre bon ami Alexandre Desilets et sa pièce L'éphémère. En passant, Alexandre Desilets va être de l'émission Assemblage requis lundi, qui s'en vient juste là, celui-là, là, le 28, avec nous. Donc, soyez-y. Hein? Tiens, je vous l'ai dit, lundi, Alexandre Desilets, Assemblage requis. Vous êtes au palmarès, c'est fou, tiens. Attendant Just as soon as the skies turn gray. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my pain. Every time I call your name. Blackbird in my pie. Beautiful clouds, beautiful skies today. You'll chase them until Mercy Playground et Blackbird, nouvelle entrée en 19e place. Ça vient de l'album Leaving Wonderland in a Fit of Rage. J'ai adoré ça, c'est très très bon ce Mercy Playground. J'ai hâte d'en réentendre. Du côté francophone, juste avant d'entendre l'éphémère d'Alexandre Desilets. Alexandre qui sera à l'émission Assemblage requis avec moi et Kiwan. Ça c'est lundi entre 15h et 17h. Donc soyez-y, Assemblage requis. Alexandre Desilets, c'est une équation avec un plus entre les deux. Qui a de l'allure, t'sais. Ça fait un beau égal, je dirais. OK, les 18e positions du côté anglophone, on trouve LCP Isaac avec Butterfly. Mais avant ça, voici Bernard Adamus et la question à 100 piastres. Vous êtes dans les panneaux assez fous, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et ça, ben, c'est dans vos oreilles au 89.1 FM, c'est fou. C'est bien tranquille, il se menace soi, du Claude à tank, du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré d'un saut fond, ça comme des vieilles sacoches. Du Claude en revient pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude appogne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, je suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté du bousque et un peu de blé. De pain blanc tant qu'il fume de la feuille. Il cherche une guigue de fin de mois. Arrondir, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fenêtre? C'est la tempête qui arrive que le flot font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche des 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi magique, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un dico sur le dos. On s'entend-tu, je suis pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va être long cette année, il est cassé, ben raide. Il cherche tout bas du côté, tu te mousques un peu de blé. Je sais pas faire

C'est fou, 89. Stampede up. The Mars Volta et Halo of the Mutals, l'ancien numéro 3 qui est maintenant 17e place de l'album Octahedron. Avant ça, on a entendu SP Isaac et la nouvelle entrée en 18e place, Butterfly. On a sauté par-dessus les Fatal Picard avec la 17e qui était le combat ordinaire. Et on a entendu la 18e, Bernard Adamus et la question à 100 piastres. Ça fait beaucoup de musique, tout ça, qu'on vient d'entendre dans les panneaux assez fous. Tantôt, il va y avoir les 16e et 15e. Yann Perrault, Mimi Van Der Glo, Stanley Wall, c'est nous. Alors, restez avec nous pour une autre partie des panneaux assez fous. Comme du ping-pong. Ping-pong, ping-pong. C'est toujours pas le reste, c'est fou avec Mathieu Plante au 89.1 FM. On continue les choses qu'on se diffuse ce soir, c'est-à-dire un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. On est rendu au 16e position. Du côté anglophone, c'est Standing Waltz avec In My Nightmare qui était nouvelle la semaine dernière en 20e. Mais avant ça, voici Yann Perrault qui descend directement de la 3e place. Ça a pas duré longtemps, ça. C'est triste. Voici Conduis-moi. J'espère que c'est pas Conduis-moi vers le fond du palmarès, jusqu'en dessous des positions qu'on fait, tu sais. On a juste 20 à un moment donné. Quand tu descends trop, c'est... C'est dommage. C'est un palmarès assez fou. Au 89 FM. Conduis-moi au cours des rivières endiablées à la cime des montagnes où le temps s'est arrêté. Au-delà des mars et marées habitées à l'extrême des pôles d'inamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels. Conduis-moi, ne t'arrête. Folle et délirante sous les ponts de la liberté. L'eau est si bonne en équilibre sur le fil de la confiance que tu me donnes au sein même d'une étoile et bienveillante. Conduis-moi où le sucre casse son sel entre les forêts de vin en ribambelle aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi, allez. À la cime des montagnes où le temps s'est arrêté. Au-delà des mars et marées massacrées à l'extrême des pôles dynamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels, aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi. Conduis-moi, t'arrête pas. Standing Waltz et In My Nightmare, 16e position anglophone, ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. J'adore cette pièce-là parce qu'elle est drôle et épeurante en même temps. T'sais, c'est quelqu'un qui parle de ses cauchemars, Freddy Krueger, Jamie Lee Curtis dans Halloween, etc. C'est drôle. Bon. Avant ça, c'était Yann Perrault avec Conduis-moi qui descend de la 3e place. Ça a pas duré longtemps. Je disais que ça fait 5 semaines que c'est dans le palmarès et déjà, ça descend en 16e place. Il y avait l'album Un serpent sous les fleurs. Pièce super bonne. J'espère qu'au moins une autre pièce de Yann Perrault continuera à un moment donné ou entrera dans le palmarès et montrera. Bon, on est rendu au 15e place. Du côté anglophone, on écoute Snoo avec Kick Me Over qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée, mais avant ça, voici une autre nouvelle pièce de la semaine passée. C'est Karting Chrétien de Mimi Van Der Glo. Vous êtes au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Kick Me Over. C'est la 15e position anglophone, ça monte de 4 places. Avant ça, on a entendu Mimi Maderlo et Cartin Chrétien. Excellente, excellente chanson. Super drôle, celle-là aussi. Il y a beaucoup de chansons drôles cette semaine, j'adore ça. C'est un gars qui est dans une équipe de Cartin Chrétien. Chrétien Neu, qu'on dit. En tout cas. Donc, ça monte d'une place et c'est très bon. Ça vient de Mimi Maderlo et leur album Rador. Avant de passer aux 14e place, je vous rappelle que les Palmarès C'est Fou sont sur l'Internet. Un petit peu sur chaque Internet. Hein? On est sur Facebook avec les Palmarès C'est Fou. On est sur Twitter, / Palmarès C'est Fou. On est sur le web, au assemblagerequis.com, avec Balado Diffusion MP3 et un paquet de renseignements sur chacune de nos émissions. À qui vous allez à moi, autre que les Palmarès C'est Fou, il y a CNX.zip, il y a Assemblage Requis et il y a la dernière porte à gauche, c'est sur assemblagerequis.com. On est rendu au 15e place. Du côté anglophone, on trouve... on est rendu au 14e place. Hein? Tu sais, suis un peu. 14e place du côté anglophone, c'est New York Dolls et Muddy Bones qui montent de 2 places. Mais avant ça, voici la question et compliqué évident. Vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oh, que c'est donc, les palmarès, c'est fou. Oh, New York Dolls et Muddy Bones, 14e position anglophone, ça monte de 2 places. Et c'était nouveau il y a 2 semaines. Avant ça, on a entendu La question est compliquée, évident, qui monte de 5 places. C'était nouveau la semaine dernière. C'est leur album affranchi. C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou. On se retrouve pour une deuxième tout à l'heure avec la musique de Valleys, Die Mannequin, Sub, Kill the Lights, Vanessa Parietter, Kaloun Saloon et Asso. Alors restez avec nous, c'est les palmarès. C'est fou. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et dans cette deuxième heure, eh bien, on est déjà rendu aux positions numéro 13. Du côté anglophone, on retrouve Valleys avec Killer Legs qui monte de 2 places. Mais tout de suite, à l'instant même, voici Asso et la controverse ultime. Vous êtes dans les Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou a à vous offrir. Oh! Malheur des importants. numéro 13. Kill the Lights et At the Ruins. Et du côté anglophone, avant ça, on a entendu Assaut et La Controverse Ultime qui montait de la 17e place. Oh, hey, super ça. C'était beau. C'était très chic. Allons donc entendre Vespérietaire. Vous êtes dans les palmarès. C'est fou au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ça arrive.

libre comme l'air, célibataire. Je ne reçois qui que ce soit, tant que je gueule, je reste seul.

Of Skulls et Fires en 9e stable. Juste avant ça, c'était Ludo Pin et qu'est-ce qu'on s'en foutait? Ça aussi, c'est stable dans les palmarès. C'est fou. On est rendu presque au 8e place, mais avant ça, petit entracte, question, tu sais, de se dégourdir un peu. Et puis, on vient avec la musique du nombre. Ariel, Vincent Vallière, Dreadnoughts, The Junction et Damon Thierry au palmarès. C'est fou. Restez avec nous. Bon, vous êtes toujours au palmarès, c'est fou avec Mathieu Plante. On est rendu aux positions numéro 8. Du côté anglophone, ça monte de 4 places. On trouve Dreadnoughts et Hot Tress. Mais avant ça, voici le nombre. Et couleurs naturelles, vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que je peux vous offrir. Et ça, ça s'appelle les palmarès, c'est fou. C'est comme ça qu'on a appelé ça. C'est logique. Le nombre et couleur naturelle, ça monte de deux places, c'est en huitième position francophone. Avant d'entendre la huitième anglophone, Dreadnoughts et Hot Tris, voici Marc Perrière et Sylvain Blais pour vous dire ce qui s'en vient lundi à la pilule du lendemain. Lundi à la pilule du lendemain, nous recevrons Stéphane Morancy pour nous parler des principales activités qui auront lieu à la chasse-galerie. Et nous recevrons aussi Cédric Pinard pour nous parler des Patriotes de l'UQTR, les différentes activités. Tout ça à compter de 7 heures à la pilule du lendemain à C'est fou 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Dreadnoughts et Hot Tris en 8e anglophone, ça monte de 4 places. Ça fait 4 semaines que c'est là. Avant ça, on a entendu le nombre et couleurs naturelles qui montent de 2 places. C'est leur album Ville est fantastique. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, 89.1 FM. Avant d'entendre les 7e positions, Ariel et The Junction, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est très important de le faire. Hein? Les palmarès C'est fou, c'est pas seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Commençons par le top 30 des CD. Tiens, on a 3 nouvelles entrées. En 26e, on retrouve La Ballade of Lady and Bird par Lady and Bird. En 20e, Oromocto Diamond avec Le Choc du Futur. Oromocto Diamond qu'on a entendu d'ailleurs en 20e place anglophone. Et en 18e, on retrouve Elizabeth Isaac avec There Will Be Stars. Elizabeth qui est aussi du côté du top 20 anglophone en 18e place. Donc c'est pareil des deux côtés. En troisième place, Systab de Mars Volta et Octahedron. En deuxième, ça monte de 15 places. Metric et Fantasy, je crois que ça a descendu, remonté. Ça fait 22 semaines que c'est là, donc ça a eu le temps de dossier pas mal. Une autre chose qui est là depuis 22 semaines, c'est Mastercraft avec Fist of God. Intéressant, maintenant c'est en sixième. On termine avec la position numéro 1, ça monte d'une place au bijou avec Beacons. Dans le top 3 des disques canadiens, maintenant, l'ancien numéro 1 est en 3e, Steve Hill and the Majestics avec The Damage Done. En 2e, ça monte de 15, Metric avec Fantasies. C'était en 17e place des positions non existantes du top 3 des disques canadiens. Et finalement, en première place, ça monte de 1, Obijou et Beacons. Tiens, tournons la page un peu, allons voir le top 10 électronique. On a deux nouvelles entrées. En 6e place, Sideliner avec Missing Pieces of a Puzzle. Et en 4e, Rival Consoles avec I.O. En 3e, ça monte d'une place Grasscut avec High Down. En 2e, ça monte d'une place aussi Lucine avec A Certain Distance. Et finalement, en première place, ça monte d'une place 65 Days of Static avec Escape from New York. On termine ça avec le top 10 Loud. Rien de nouveau, on va faire seulement le top 3. En 3e, c'est stable, Dying Fetus avec Descend into Depravity. En 2e, ça monte de 2 Behemoth avec Evangelion. Et en première place, ça monte de 4 Megadeth avec Endgame. Voilà qui fait le tour pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos deux top 20. Du côté anglophone, la 7e est occupée par The Junction et No Road. Mais avant ça, voici Ariel qui monte tout droit de la 20e place la semaine dernière. Waouh! Ça, c'est très, très beau comme ça. Voici Faux Filet. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM! Approche-t-il le dernier crime? Va me chercher la fille dont look les moustiques. Elle tient pas l'alcool. C'est tout faux, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut. Elle en raffole. Chacun son prix, chacun sa coupe. J'aime tant. numéro 7. The Junction et No Road en 7e anglophone, ça monte de la 11e. Avant ça, on a entendu Ariel et Faux Filet qui montent directement de la 20e, c'était nouveau la semaine dernière. Et que ça a fait un méchant bon, ça! Vers le haut, il n'y aura pas besoin de filet, parce que c'est pas vers le bas. Je ferai cette blague-là quand ça descendra. On est rendu aux 6e position, mais avant ça, je dois quand même vous rappeler qu'on est sur Facebook et sur Twitter. Allez voir facebook.com, tapez les Palmarès C'est Fou sur twitter.com/Palmarès C'est Fou. Les détails sont sur assemblagerequis.com. Et tout ça est référé sur cifre.ca. Donc, tu sais, c'est des choses plus petites qui mènent vers des choses plus grosses et le contraire. Hein? Bon. Sixième position anglophone, c'est stable. Damon Tier avec Bronze Age. Mais avant ça, elle monte de la 11e. Cette pièce de Vincent Vallière. Voici Sortir du bois. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou. Et ça, c'est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Reste un bout à faire avant d'arriver. Avant d'arriver. Me boirais ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. S'organiser, faut s'organiser. Je me boirais

Demonte Ear Bronze Age qui installe en 6e. Ça fait 6 semaines que c'est là. Avant ça, on a entendu Vincent Vallière et Sortir du Bois qui monte directement de la 11e place. C'est la fin de la 2e heure des Palmarès. C'est fou, mais on se retrouve avec une 3e heure et la musique de Malajub, La Patère Rose, Mille Monarques, Le Roi Poisson, Steve Hill, Metric, Zeus et Au Bijou. Dans quel ordre, je ne sais pas. Restez là, c'est les Palmarès. C'est fou au 89 FM. C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. Et bon, retour, c'est la 3e et dernière heure des palmarès. C'est fou avec Mathieu Plante, hein, jusqu'à 20h. Ce soir, en passant, pour ceux qui attendent les lutins de l'enfer, qui sont d'habitude à 21h et la dernière porte à gauche à 20h, sachez que la dernière porte à gauche est maintenant le mardi à 17h et que les lutins de l'enfer sont reculés à 20h, donc ils vont commencer dans un peu moins d'une heure. Bon, c'est comme une contraction de ceci et de cela. Étant dit, on continue avec les positions numéro 5 du compte anglophone. Il y a Mastercraft avec 1000 cigarettes, mais avant ça, voici Malajubi. C'est mon nom commun pour Malajub. Voici Cristobal. Vous êtes au Palmarès, c'est fou au 89 FM. 5. Mastercraft 1000 Cigarettes, c'est stable en 5e position. Avant ça, on a entendu Majub et Cristobal qui montent de 3 places avec l'album Labyrinthe, évidemment, hein, comme toutes les pièces. Je vous ai demandé dans le palmarès de C'est fou. Puis ça dure longtemps, puis les gens aiment ça. Hein. Parlant de ce que les gens aiment écouter nos nouvelles émissions quotidiennes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Tous les jours, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, il y a la pilule du lendemain avec Marc Perrière et Sylvain Blais. Ensuite, de 11h à 13h, le dîner de con avec André Junior Baudet et Danny Janvier. Et moi, Kiwan, on anime. Il y a plus de syllabes que ça. On anime Assemblage Requis entre 15h et 17h. Allez voir assemblagerequis.com pour notre site et cifou.ca pour toutes les informations sur la programmation automnale de C'est fou qui est remplie, je dirais, de bonnes affaires. Hein? Du côté anglophone, la 3e place de notre palmarès est occupée par... on est rendu au 4e place. Fait que je dis ça comme ça. 4e place, l'ancien numéro 1 du côté anglophone, Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman. Mais avant ça, voici Elephantine. Et une clope, un café, vous êtes dans les palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique de C'est fou. Ouais. Ça va passer. Une clope, un café. C'est parti pour la journée. Mais je regarde le temps qui passe sur s'appelle, on s'écarte. Numéro 4. Majestic, c'est l'ancien numéro 1 anglophone, Lost Woman est le nom de la pièce, et le CD est micro-sillon. Ça s'appelle The Damage is Done. Avant ça, du côté franco, on a entendu Elephantine, aussi l'ancien numéro 1, Une clope, un café, le nom de la pièce, Le Bonheur en 3D, et l'album et l'émission. C'est des palmarès, c'est fou. C'était beaucoup de, tu sais, ceci est deux points cela. Hein? C'était un petit peu trop comme ça. Assemblagerequis.com et le site web, cifou.ca pour en savoir plus et pour nous écouter en direct sur le internet. On est rendu aux positions numéro 3 du côté anglophone, c'est Zeus, une pièce qui marche vraiment beaucoup hein, parce que ça a monté de la 18e directement à la 3e après seulement 2 semaines, c'était nouveau la semaine passée. Mais avant ça, voici Mille Monarques et une autre pièce qui fonctionne bien, mais un petit peu moins que la semaine dernière, c'est pour ça qu'elle est descendue d'une place, tu sais. C'est la suite des choses, hein. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des palmarès c'est fou. Non. Au 89 FM. Sous tes doigts qui gèlent autour de moi. Mes lèvres sèches s'écorchent, ils cherchent ta langue de bois. Parle-moi de mensonges, pour s'élever en prix dans une heure de lumière. Perds-toi dans 3. Do you feel it all the time? The way she preys upon your mind. She's a fiend for love, that's all. Body's shaking all the time. The way we feel that old red wine. It's a squeeze and you feel it. Living another day in someone else's fantasy. Zeus avec Marching Through Your Head, c'est la position numéro 3 qui monte directement de la 18e position. Ça, c'est un méchant beau saut. Marching Through the Palm Race, c'est fou. On aurait pu aussi appeler le nom de la pièce. Ensuite, on a entendu Rouge de Mille Monarques qui descend de la 2e place. Hein? C'est donc bien beau, votre studio. Ça a changé, hein? Ça devait faire 3 ans que je n'étais pas passé ici. La voix que vous entendez en ce moment, c'est celle de Jack des Palmarès, comme on l'appelait dans le temps de C'est Fou. Vous le connaissez peut-être maintenant sous le nom de Jackie Pop. Ouais. Parti de la station en début... Ben, moins présent en 2006, complètement parti en 2007 pour suivre un cours de professionnel de la radio. J'étais à Radio-Ouest pendant 2 ans. Ouais. C'est un retour aux sources de venir ici. Je m'ennuyais vraiment de la station. Puis ça a vraiment. Les studios ont changé, mais t'es toujours aussi sympathique. Oh, mais toi aussi! Oh, Mathieu! Oh, ok, ça me rappelle des bons high five! Hey! C'est, oui, ça marchait, hein, c'était pas si pire. Bienvenue à C'est Fou, bienvenue. T'es chez toi ici quand tu veux, quand tu passes. Ben, c'est le fun. J'ai quand même commencé en 2000. Hein, j'étais avec Monsieur Denis dans le temps. Hey, ça fait longtemps. Et voilà. Les bons moments, la bonne période drôle des palmarès dans le temps qu'il y avait du contenu puis de l'humour là-dedans. T'sais. Ben honnêtement, j'ai pas entendu qu'est-ce que ça donne avec Kiwan, mais je te l'ai toujours dit, Mathieu, je te trouve bien sympathique à l'animation. Ah, c'est fin. Pas professionnel, peut-être. T'sais, mets pas les affaires nécessairement dans l'ordre, là. Mais non, c'est correct. De toute façon, regarde, on est... Ici, c'est pas une radio professionnelle. C'est pas obligé d'être by the book, ça coche tout le temps. Faut avoir du fun. On se prend pas pour d'autres, c'est et ça. Voilà. Pas que choix ou n'importe quoi se prennent pour d'autres, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que vous êtes pas la puissance musicale de Trois-Rivières. Non, c'est ça. On se prend pas comme la référence en ci puis en ça, puis on est les meilleurs dans ci puis dans ça. On est juste, regarde, on fait ce qu'on fait. On diffuse la musique que les gens qui aiment l'underground aiment. Et puis, on fait ça le fun, on fait ça drôle, puis on anime, puis on aime ça. Puis, c'est ça. Puis, regarde, là, des bands comme Éléphantine, Vincent Vallière a sa chance un peu partout, mais je suis sûr que Sortir du bois, c'est pas mal ici que ça va jouer ici. Là. Ça va être hot là. Damien Robitaille, nouvel album, je savais même pas qu'il était sorti. Mimi Van Der Glo, c'est local. Local, on aime. Eux autres, ça rock, ça torche. Ça, c'est le fun. Puis même, tu sais, du Mars Volta, que j'ai vu. Marcy Playground ont un nouvel album, c'est bien le fun ça. Hey, on découvre des shows. Die Mannequin, très bon. Tu bon stock qui joue ici. Metric. La chanteuse est-tu cute un peu? Ouais. Ouh. Ah, et la musique est très bonne aussi. Et voilà. Et voilà. Non, mais ça, on se fait dire, on reçoit des commentaires tout le temps de « Ah, mais quand est-ce que vous allez jouer quelque chose qu'on connaît? » Genre du Jerry Boulet, je sais-tu. Mais... non, mais... OK. On en joue des choses. Je vais mettre ça au clair, là. ce que tu connais, c'est ce que tu écoutes. Oui. Si tu écoutes C'est fou, tu vas tout connaître. Exactement. C'est exactement le point à dire. C'est que, gars, si t'es ici pour entendre du Rihanna, c'est pas la place. C'est ta énergie que ça joue. T'sais. Ici, si tu veux entendre du Malajubi, ben, si tu vas l'entendre, Malajub. Ça fait rire, Malajub. J'aime ça. Malajubi. Ben, tu sais, faut aimer ce qu'il y a dans ce style-là. Puis, ben, gars, c'est ça. Tu prends l'habitude en écoutant une fois de temps en temps, en écoutant, entre autres, nos quotidiennes, puis les Palmarès, c'est fou. Ben, ça te rentre dans la tête autant que les autres affaires qui jouent à d'autres postes. C'est juste qu'à la place de vous la jouer 20 fois par jour, on peut-être vous la jouer 5 fois par jour. Et voilà. Faut relativiser les choses. Mon Dieu, c'est bien dit, ça. Ah, oh, qu'on fait donc des bonnes jasettes sur des choses importantes comme la radio. Ben là, veux-tu vraiment qu'on parle de choses importantes, là? Ça a l'air que se faire vacciner contre la grippe H1N1, se faire vacciner contre la grippe saisonnière, c'est... ça augmente tes chances de pogner la H1N1. On peut avoir des vrais sujets de conversation profonds, si tu veux, mais on perd du monde. Pas mal, hein? Ouais. On va aller mettre du Purel, peser sur Python pour resetter cette conversation à zéro. Et la repartir! Hey! Salut, c'est pas mal, c'est fou, on est drôle, puis on est donc bien content d'être là. Avec vous jusqu'à 20 ans. Voilà. On est rendu aux positions numéro 2. Hein, du côté anglophone, on va l'entendre au Bijou et Black Ice, c'est stable. Et numéro 2 en francophone, monté de 4 places pour le roi poisson, le chien galeux. Et wouf wouf. Ben c'est oui. Comme, dans le fond, c'est wouf wouf. Ben, on pourrait appeler ça la position du royaume animal. Ah! Club piscine. Non, c'est des slogans. Je vais faire des slogans en nombre. Club Wouf Miaou. Club Wouf Miaou. Le petit poisson entre le W et le M. C'est tellement intelligent comme logo. C'est stylisé. C'est cute. C'est malade. C'est comme les palmarès, c'est fou. C'est cute. Et le fun. C'est malade. Et beau. Ouais, particulièrement. Surtout. Ouais. Ouais. On arrête ça ici? Ah, oh, pourquoi pas. D'accord. Les chiens galeux, les chats de gouttière. Sont merveilleux dans leur misère. Et je suis fou d'eux. Les chiens galeux, si merveilleux. Je suis fou de leurs yeux. Fait son chemin sans qu'elle gronde. Mais du vivant dans du mourant. Le regard vide, indépendant. Je suis fou de leurs yeux vitreux. En une fraction sauvage, civilisé. Ce que je sais, c'est qu'ils se parlent, ils se connaissent et ils sont libres. Je suis fou de leurs yeux vitreux. En une fraction de seconde, c'est liberté que l'on rêve mais qu'on ne peut pas se payer. Mais on va passer avec Chien Gallo. Gallo. Salut. Voilà, prends ton temps, un mot à la fois. Ouais, ça n'a pas vraiment changé avec le temps, tu sais. Au retour de la pause, la musique de Au Bijou et nos numéros 1 qu'on ne dit pas et qu'on fera des jeux de mots. Oui, c'est encore comme ça et non, pas de commentaires à faire là-dessus parce qu'ils sont toujours aussi mauvais. Yeah! Des jeux de mots! Ben yeah. Déjà, il y a un des bands que ça n'est un jeu de mots à la base. Hey, un jeu de mots avec un jeu de mots, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Du deuxième niveau, man. C'est fou, ça. 89-1-1-1 Numéro 2. Black Eyes de la formation Au Bijou, c'est stable en deuxième position, c'est mis de leur album Beacons. Black Eyes, c'était le nom de l'album des CDC, ça, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, ouais. Ah oui! Ah, il y a des liens à faire, des coïncidences là-dedans. Hein. C'est pas de marque de bière, non, c'est Black Label. Black Label. Puis il y a Black Label Society aussi, un autre groupe. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait la quelque chose Ice, là. Ils en ont sorti. Ice Baby. Ice Baby. Exactement, Vanilla voilà. Ice. Et puis, Puis je pense qu'il y a des gens qui ont fait des covers de Ice Ice Baby, mais ça, à un moment donné, on s'éloigne du sujet principal, qui est de présenter les palmarès. C'est ça, parce que là, à un moment donné, on va s'emporter, puis tu vas te mettre à chanter la chanson en français, tu sais. Ben oui, glace, glace, bébé. Glace, glace, bébé. Chez bébé. On aime ça. Bon, avant, la position numéro 2 anglophone, c'était évidemment la position numéro 2 francophone. Le roi poisson avec chien galeux. Ah. C'est notre royaume animal. Oui. C'est des animaux de la jungle et domestiques. Puis tu vois qu'il y a une grosse différence. T'as le roi poisson, mm-hmm. qui lui est comme à la tête de tout. Puis en dessous, t'as un animal malade, le chien galeux. Fait qu'il y a comme une grosse marche à monter entre le chien galeux, celui qu'on n'aime pas, qui est en bas de l'échelle, puis le roi poisson. C'est une belle analogie par rapport à la vie de tous les jours et la société où il y a des monarques et des rois et des reines, et puis aussi la petite société et les bums. Et où est le chat là-dedans? C'est comme juste dans le milieu, un félin. Tu sais, il est pas malade, mais il a pas de titre de noblesse non plus. J'aimerais ça que l'album, au lieu de s'appeler le roi poisson, s'appelle chat. Fait que là, on aurait vraiment comme trois marches. Un chien malade, un chat, puis un roi poisson. Ça ressemble à Titanic aussi, tu sais. T'as Leonardo DiCaprio, puis oui, vraiment, en bas, t'avais sûr le roi poisson, parce que là, il est dans l'eau, puis le Titanic était sur quoi? De l'eau. Bon. De la glace noire. Ah! Oh! Black ice! Black ice! OK, là, on s'en part. On s'éloigne. On est rendu au numéro 1, et là, c'est la place pour faire les jeux de mots, donc amusons-nous un peu. Hein? Veux-tu essayer avec un jeu de mots francophone ou anglophone, toi? En regardant les titres de même. J'avais beaucoup plus d'inspiration avec le roi poisson. Dommage, hein? Je te dirais que mon inspiration est pas mal tombée par terre. Pâté rose. Ouais, pâté rose. C'est bien quand même, pas pire. Oui. Ouais, ça me laisse pas de froid. Je ne me mettrai pas un fusil à ma tempe. Et il n'y a pas de fille, finalement, dans le studio. C'est juste des gars. Hein? Je vois pas tout. Gold. Ah, c'est okay, parce que... OK, Cold Guns Girls. C'est quoi? Ici, j'insère une parenthèse. Vas-y, parce que j'ai manqué des bouts, moi, depuis 3 ans. Là. C'est ça. Le numéro 1 en anglophone s'appelle Gold Guns Girls de Metric. Mais sur la feuille, c'est écrit Cold Guns Girls, donc mon jeu de mots marche pas. Et voilà, non, ça marche pas. Mais je te pardonne. Merci. C'est pas ma faute. T'as essayé? J'ai pas gagné l'or. J'ai gagné l'argent que Gold Guns Girls. Ok, c'est quoi là? On est rendu où? Le Metric. Ouais, mon numéro. Hey, ça monte pas mal par exemple. Ben sept, oui. Sept belles positions. Parce qu'on est sur le système de dizaines, le système métrique. Parce que si on était aux États-Unis, il y aurait sûrement 24 positions, 12 de chaque barre, parce que sinon ça marche pas. Ça, on aurait pu dire qu'il a monté d'un pied. Mais non, c'est ça, tu sais. C'est comme, je peux vous appeler, monsieur, mettons, maître plante. Oui, s'il vous plaît. Mais avant, je te traitais de pied. Ah! Et sais-tu avec quoi est-ce qu'on peut, à quoi on peut jouer avec des pieds? À la marelle! Oh, la marelle! Oh, j'en regardais pas. Bon, ben, voilà comme 15 jeux de mots en même temps, fait que c'est parfait. Voici la marelle de la pâte à rose au palmarès, c'est fou! 89.1 FM. C'est ça. it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? C'était les grands numéros 1 des palmarès des fous cette semaine. On vient d'entendre Metric avec Gold Guns Girls qui monte de la 8e à la première position. Le numéro 2, pour ceux qui suivent, c'est Obijou avec Black Ice. Et puis en 3e, c'est Zeus avec Marching Through Your Head. Si on s'en va du côté francophone, c'est de la Panthère Rose, avec La Marelle de la 4e à la 1e. Montée de 4 places pour Le Roi Poisson avec Chien Galeux en 2e. En 3e, Mille Monarques avec Rouge, qui est un peu moins hot qu'elle était la semaine passée, par exemple. Ah, ça on va vers le rouge au lieu du noir. C'est super. C'est la fin des palmarès, au moins cette portion des palmarès régulières. Hein? Ah, parce que des palmarès irréguliers? Oui, tout à fait. Ben, avec moi, il faut s'attendre à quelque chose d'anormal ou de tout croche, dépendant. Ben, d'unique, quoi, d'attachant. Ah, de spécial. Ouais, ouais. Toujours des adjectifs qu'on utilise, puis c'est comme un petit peu méchant, mais en même temps, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est du double sens. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on va retourner en arrière un petit peu hein, parce qu'il nous reste du temps. On va l'entendre du côté francophone. Une position qui était... en fait, c'est la 17e et elle descendait de la 7e. On va l'entendre les Fatal Picard et Combat Ordinaire. Et puis, on revient avec un avant-goût de quelques affaires qui s'en viennent sur les ondes de C'est fou pendant les prochains jours. Alors, restez là. Jack, reste là. OK, promis. Quelques minutes encore. OK, c'est bon. OK. OK. J'ai 100 secondes, s'il te plaît. Ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère, jusqu'à cette lettre qui dit encore merci, c'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie, j'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un papou deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil, certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Palala papapapa, palala papapapa, palala papapa. Rester debout, moi je sais souder à l'arc. Et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide. Moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond. Et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing. Moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain. Je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat. Moi j'ai des caleçons et droits. Moi j'ai toujours mes mains d'or. Moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges. Moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. La formation Les Fatal Picard, oui. Avec le combat ordinaire qui descend de la 7e pour venir se retrouver en 17e. C'est un gros bond vers le bas. Là, j'aimerais juste souligner aux gens qui écoutent qu'on n'est pas rendu à la 17e position. Non! C'est du bonus. It's the bonus track! Ouais, c'est ça. En fait, idéalement, il faudrait que tu mettes un grand bout de vide, du silence. Et à un moment donné, couf, la toune à part par surprise. Par magie, on pourrait même avoir un petit effet de baguette magique. Sauf que la piste est déjà passée, fait que ça fait un petit peu bizarre. À la place, faisons apparaître, Jack, un avant-goût de l'émission CNX.zip de lundi. D'accord? Attention. Lundi à CNX.zip. On compresse la semaine du 21 septembre avec FAQ, GoGo Gadget, Autour du Net et Jeux pour le bureau. Tout ça en plus des nouveautés à magasin et de musique de jeux vidéo. C'est à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, lundi 10h. Ça a marché. Dire que j'ai déjà été collaborateur à La Connexion dans le temps que ça s'appelait La Connexion et non pas CNX. C'est tellement plus cool, par exemple, CNX. C'est, parce que c'est plus jeune et chill et yo. Mais de toute façon, il y a deux règles de respecter dans le titre de cette émission-là. Mm-hmm. Le X. Mm-hmm. Qui est extrême. Parce que c'est prouvé que les gens retiennent quelque chose quand il y a un X dedans. Uh-huh. Et trois lettres. Parce que c'est prouvé que les gens retiennent quand il y a juste trois lettres. C'est ah vrai, oui, je te niaise pas, là. Fait que si t'as trois lettres, dont un X, voilà. T'es winner. Voilà. Hey, tu m'en apprends. Hein, c'est mes chums qui avaient parti de la compagnie DXM. Ah. Ils faisaient quoi, des toilettes? Je me rappelle pas, mais je me rappelle du nom de la compagnie, par exemple. Tu vois, c'est tellement plus... Un X. Retenez juste que ça s'appelle CNX, et puis oubliez de quoi ça parle, mais écoutez-la lundi 10h. Et voilà, et lundi voilà. 10h, CNX. That's it! Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Ouais, non, ça, c'est moi. Ça fait longtemps. OK, donc, Jack, demande spéciale de ta part, parce que tu étais animateur des palmarès, et oui. Tu aimais plusieurs pièces qui jouaient dans les palmarès. Oui, puis ça, c'est une des bonnes que j'ai entendues. J'ai trippé, j'ai adoré cette tune-là. Il y a celle-là, puis The Used, que malheureusement, j'ai oublié le titre parce que je veux le nommer, je me rappelle pas. Mais celle-là, 30 Seconds to Mars, le chanteur Jared Leto, me semble, un acteur. En tout cas, c'est un acteur, le gars qui chante dans le band. Puis la tune était 40. Mais c'est meilleur que Patrick Groulx. Non, excuse-moi. Oui. Non, t'as le droit. J'haïs Patrick Groulx. Je le trouve pas pire en tant qu'humoriste. Mm-hmm. Mais j'ai-tu le droit de sacrer? Peu importe, c'est déjà fait. Est-ce que ces tunes sont plates? C'était pas déjà fait, finalement. Mais là, c'est fait. 30 Seconds to Mars, et attack! Avec une panthère qui fait... Il y a la guitare là-dedans. Ah, écoutons-la. Un petit peu de guitare. Faisons paraître de la batterie. On va commencer à chanter juste là. Ici. I won't suffer, be broken, get tired. Wasted surrender to nothing. I'll give up what I started and stopped it from end to beginning. A new day is coming and I am finally free. Run away, I'll attack. Run away, run away. C'était bon! Hey, c'est, tu parles fort, toi? 30 Seconds to Mars et Attack, c'est la demande spéciale de Jackie Pop. Yes, man. Hey, merci de passer à l'émission. Ça fait plaisir. On est encore des amis, malgré qu'on ne se soit pas vus beaucoup depuis les trois dernières années. Mais c'est triste, par contre. Ça. Ouais, mais regarde, je suis encore là, je suis toujours vivant, puis quand je passe, ben, je passe. Et te voilà. Dit, hein? La preuve est là. Yeah! Yeah, à la prochaine et très bonne chance dans tes futures aventures. Thank yous. Mm-hmm. Attaque-les avec force. Rar! C'était les Palmarès, c'est fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. C'est les Lutins de l'Enfer qui vont suivre à 20h dans leur nouvelle case horaire parce qu'eux, ils changent d'heure plus tôt que les autres. Tu sais, d'habitude, on change en novembre, je pense. Parce que les autres, c'est plus de bonheur que ça. Hein? La preuve, c'est qu'ils sont là ce soir à 20h. Et pour ceux qui recherchent la dernière porte à gauche avec Kiwan, c'est maintenant le mardi à 17h. Et parlant de Kiwan, qui n'était pas là ce soir, il va être de retour lundi à Assemblage requis avec moi entre 15h et 17h. Et ce lundi à Assemblage, on va recevoir Alexandre Desilets. Donc, soyez là pour ça. Et soyez là pour la pilule du lendemain. Soyez là pour le dîner de con. Soyez là pour votre belle fin de semaine qui est sûrement chargée, je l'espère. Si elle l'est pas, ben remplissez-la de quelque chose. Peut-être du C'est fou. Hein? À la semaine prochaine. Bye.